say argument deuguer nañ ci cependant goor ñi waxtaan ak ñom mo gëna compliqué parce que ñom fo leen fekk dañuy bëgg di résister hein dañuy bëgg di wone ni ki hein ki ëpp mum xel duma manam côté bobu loolu lañuy wax manam côté bobu lañuy wax voilà mais du côté wu hein voilà du côté né mënuñu raisonner wala yoy dédé mais le fait que soy waxtaan ak ñom sen ñuy gaaw manam raisonnement bi muy gëna gaaw duggu sen bop ñukoy gëna gaaw nang ah ouvert voilà té loolu kuy waxtaan ak jigéen ñi dang koy sétlu wala kuy yag waxtaan ak nit ñi day sétlu né budé jigéen ñi la ñom ñoy gëna gaaw nang mais ñoy gëna yex appliquer voilà pour nga convaincre leen mo gëna gaaw bu fekkante né goor ñi la ñom ñoy gëna yomb ño gëna jaxé convaincre mais ñom buñu convaincre ñoy gëna gaaw appliquer wala manam lool la legui nak borom subhanahu wa ta'ala mom mo bind minde fami ba pare woutel len deug legui kon sans borom subhanahu wa ta'ala kon dafa ni jigen ni mom xelya manam ci ay takkay beug yu rafet yoy lañ ko bindé d'ailleurs ko même commerçant ni buy jaay xamne yorna ay matériel yo xamne jigen ni ñokoy jënd té mu addu ci seen walu li dé manam décor ak yoy non day gis né mom du am problème pour écouler marchandise bi hein voilà parce que de toute façon dinañ ko jënd parce que ñom dañu bëgg buñu amé 100 pierres dal tamit dinañ bëgg benen dinañ bëgg dinañ jënd tax dinañ ko jënd buñu amé ay takkay oy voilà ci nangami wor dinañ ko jënd et cetera bon ala kulli halim lolu nak day borom subhanahu wa ta'ala kon dafa melal nonu goor non dafa melal non jigen legui nak goor ñi contraire bi lañ wara mel parce que le fait que mu insister ci ni goor jigen ñi ñom ñoo mel ni ce qui veut dire que ni goor warul mel nonu te yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa téré kuy nurulu jigen buy nurulu goor ak goor buy nurulu jigen wa daam goor yo xamne ci lolu liggey wa da ngay di obligé sol ay takkay militaire par exemple Sénégal amna NOA officiel so fa genné way prix bu ñu nga da nga def ben bracelet yi ba takku ko États-Unis sa arme tamit militaire da nga faal ba am ben chaîne yi da nek la nek signe de reconnaissance mo wala moy ci da chaîne bi ben de sécurité kita ko brasalé légui damay laccé est-ce que liguey bi té xara c'est que lool mom tout temps dañ koy sol waaw presque tout temps sous un service parce que sous un service voilà man ci say par exemple au Sénégal da ngeen solo ben brasalé ni suñu par exemple formation de genn ala sa solo ay prix on va ben brasalé am ngeen ah ki le fi da genné bi ay ko le genné wa mais du obligé diko sol sa sonné non c'est un bracelet nous on te bracelet rek takay bracelet wa voilà mo benen xass mu nek xass parce que même bu wéj bi yentim da ko téré won sallalahu alayhi wasallam ni bracelet la ni chen la wa le nek ci ñu reconnaissance ñu xamé voilà am ko sen liguey ay goor la ngay bari goor la wa wa goor wa mais dañ ko téré wa lool mom dafa est ce liguey mu may xaram après mu ci ñoo wala peut-être mu nek ko sol sara bu ñi liguey ala kulli hal xam nga ben affaire dafa am ci julit il faut que ñuy comprendre ça dire point bu am solo la li may wax bo xamantene bu mata baye xel la ñun dañuy am tendance à di wax rek ne système bi ni la mel a gaay de li lañuy def dedet c'est-à-dire que julit tamit warul nek ko xamne consommateur rek lay doon consommateur de système consommateur d'idée rek lay doon dafa war tamit nek ko xamne day produire mom aussi c'est-à-dire que day produire ay idée day produire ay système day wax ne a écouter li depo wul ak suñu principe donc li day deñ manam et que li ni ñun mënuñu ko appliquer et que ma par exemple taxaw dal ci ñu mëna dindil yu mel non parce que lolu nonu tay bu fekkante ne masalan tay ñun man dama ne ah man day ci sama manam ñun ñu nek ay julit ñu nek par exemple ci service bi ñu nek fukki julit yo xamantene nenañ ah ñun kat finalement affaire bi d'accord nañu reconnaître nañ grade bi yépp am nañ ko mais nak affaire bi mom buñ ko téyé mais à un moment donné dinañ obligé xolaat affaire bi loi bi mais su fekkenté né kenn ku ci nek da nan waw bon de toute façon affaire bi ni la démé c'est bon mais jamais ñu revoir au système bi jamais ñu remettre en cause li nga xam tane mom lañu fék donc deug la parce que tamit toujours sur le militaire bañ commencé armée française wala armée américaine amé sur la musulman ay les revendiquer avoir des plats halal mais tout dem sur le terrain combat yi dem ay barke la xali barke musulman la ni barke de musulman ci halal la ni exactement donc lolu tamit ben lolu important la mais bu ñepp nan non de toute façon affaire bi ni la démé légui dédé c'est à dire que aussi xam nga question militaire bi lolu yaaka na waxon nañ ko amna quelques jotay deful matugul at matugul at waxon nañ né question manam militaire manam façon bi ni mu démé ni jamono ji ni ñun mënu ñoo taxaw mais par exemple dafa haram même su fekkenté né mënu ñoo taxaw tamit né dafa dagal parce que lutax tout simplement mom moy yi nga xamantene ñom ñoo ci nek ak nimuy doxale ak tamit parfois ñu ñi lay manam ci mission yi ñi lay envoyer nga wara xex yo xamantene yow lolu bokul vraiment manam nga wara def lo xamné julit waru ko def nga wara ray say mbokk julit par exemple ñu jël le par exemple néla demal Irak wala Afghanistan wala yoy et bo gis Irak wala Afghan door ko bal mudé lolu par exemple té lolu dafa haram kok fi ki neku ci ne ak yenen ak yenen yu melni comme yi ngay wax ni yoy yep dañu haram c'est à dire que question militaire bi question à armée du question bi rek moy problème bi question la yu bare yo xamanteni ñom ñoo ci nek légui nak cependant ay mbir la yo xamanteni tam mënu ñu tamit taxaw né dafa haram lutax parce que tout simplement ay nit fuñu nekké mbolo dañu wara am quand même surtout suñu jamono dafa wara am ép ño xamantene ño len di défendre parce que tay dëkk bo xamantene amul armée dañ koy nogatu ba paré manam luñ ko bëgg def dañ ko koy def luñ ko bëgg def lo dañ ko koy def lo armée doole ni mo upp doole sax bu économie bi parce que su fekkentene amulo doole militaire oui économiquement da ngay neex nokot ak yene force militaire voilà il faut que force militaire bi nek fi donc lolu mom motax manam lolu mom motax ñun duñ mën taxaw ne par exemple né way nek armée nek militaire da haram duñ mëna wax lolu mais sauf que ñun li nga xamantene mom lañuy proposer moy dañuy wax né julit ñi nga xamantene ñom ñoy dem nek militaire nañu taxaw manam woné quand même sen ay convictions religieuses yu wara tax ba kenn du len duggal ci lo xamantene yal manam sen diina bubu ko lolou lañu mëna proposer comme yu demé nek am surtout yi nga xamné dañu yomb nak yi yomb na xam nga li gëna jafé mom moy ñaari wéew yi dañu nek en conflit bul door dooral waji bal mu dé lolou mom mo gëna jafé hein mais bi nga xamantene mom ay luñu tak kessé la lolou mën nañ ko wax yoy yep nak liko indi question bi yek c'est simple moy suñu rew yi ñun dañoo amul manam ben taxawayu diine buñ ci taxaw rew la yo xamantene ay julité ko dekké mais amul dara luy julité wa mais lolou tamit nit ni la du rew xam nga rew ay nitako ay nit lañ rew kenn du ni am rew ngi ni am état ngi ni fekk amul ay nit ñu ko composer nit ñi ñom ñoy def état yi wa ñoy la wa ñoy décider voilà nit ñoy décider donc nit ñi ñom ñoo war di taxaw tamit di wone seen ay conviction di deugural di wone ni li mom mo bax li baxul li duñ ko def li nangul dañ ko nangul li duñ ko nangul lolu yep nak mi ngi fimu wara départ mom moy ñu suñu diiné jaral ñu daal il faut que suñu diiné jaram ñu dara il faut que ñu né ñun kat suñu diiné ji mom moy li gëna mag li ñu am waxon nañ ko fi iya kegg jotay ci kunuusi buma la fekke ngay lak buma fekke may lak sa kër le minimum bi nga wara def moy saway bayyi li ngay def lool moy le minimum lool moy su dé da nga sét torop moy saway té nga bayyi li ngay def ay ah lool moy le minimum wa mais ñun loolu sax duñ ko def ñun loolu sax fekku ñu ñun dañuy sétal rek na rawa gaaya gi lak dé mu jeex gaaya gi lak dé gaaya mëna lak no gaay da ngay waru lool rek lañuy def dédé ya na ñi ala sax wallahi ala xara bu mu par inshallah wa bu fekente me non parce que c'était dit à peu guerre guerre armée wa par exemple bu nek ci jihad wa est ce que amna droit yo sabre wala épée bo xamni ni dañ ko def ré or ak argent dede bu gis na ni mo gina efficace pour ré non lool la wax na la dede amulo droit bi manam ben affaire tamit amna lu am solo la sharia doune sous prétexte da ngay jihad wala da ngay ki keure da ngay utiliser lu haram sharia du wax lolou mais bu nek mo gëna efficace en fait wéñ mo gëna efficace comme l'alcorane wax wa anzalna al-hadid fihi ba'sun shadidun wa manafi'a lin-nas wéñ moy gëna efficace du or du khalis et puis jamono ji rek du wéñ jamono ji du lool moy gëna efficace li gëna efficace mom moy lan bomba taxal ak bombu yi waw bombu yi ñoo gëna efficace mon top ki rek du bëss rek voilà naka lañ ko tudde gaay yi ñu ndaw ñi tay ñi naw ci kaw drone ya ñoo ñu la waaw kay bismillah waaw lekko bu ko defé ñu dugg ci masala usuliyé yi mom gisoon nañ ci waaw légui ci walu ndab yi batay gisoon nañ tamit né ndabal or wala ndabal xaaliss suma ko yoré ci xamni mënuma ko jëfëndiko tamit dagan na ma jaay mën na ko jaay dina ko mën jaay parce que lan mo motax parce que or bi lay jay ak khalis bi hein waaw bismillah ngay ko massa la fekki jeex na waaw walillah alhamdoulillah min waaw legui gisena khadid yi nga xamne ñoo jiru dañ doon téré lepp lo xamne ndabal or la wala yu démé nonu legui khadid bi dafa ñew particulariser manam li nga xamne moy réparation manam permettre ñu mëna réparer ndab ak khalis lay kon doy nek lo xamni particulier lo manam lay nek khas lay bu ko defé kon day correspondre ak khawaidul fiqh biñ nan al am yutlaqu ala umumihi hatta yarid ad dalil taqlis lol qa'ida usuliyya manam généralité dañ koy bayyi ni nga xamné non la nekké ba kérok ñuy gis lo xamné daf koy particulariser kon manam buñu gisu won hadith bi ni xeyna réparer ndab ak xaaliss bobu day ram légui benen point bi moy hujjatul aqwalu sahaba manam ndax sahaba ñom seen position wala seen wax ndax argument la ci fiqh mais bobu tamit dafa am ay wouté solo mazhabi bu féké dañu dem ci malikié yi ñom dañu né manam waxu sahaba mom da doon argument ndax buñ xolé imam malik ci bobu motta buñ xolé ci hadith toxal na ci ay wax yo xamni wax ay sahaba lañ légui buñ démé ci hanafiyé yi ñom tamit dañu ni bon ci gëna siwu moy waxa saba tamit argument la ndax ñom dañu ne dañuy bu fekke yaronte bi waxna dañuy jël alquran wax ñu nangu bu fekke sahaba yi tamit waxna sa amuñu benn amul kenn ku ci contredire kenen gi manam ñom jël seen wax mo gëna yello lu jeul ñom seen waxi bop tax ñom yantou ci sallallahu alayhi wasallam moy moy ya leg buñu jame ci shafi'i nak ñom dafa am ñaari xaj moy manam imam shafi'i ci walu dundum manam parti bi nga xamne mo jitu ci ñom bi nan ko khadim mom parti bobu mom amul wérante ni waxu sahaba mom argument mais fi nga xamni mo am ay mo xawam ay wérante moy parti biñu nan al jadid sa fofu sax biñu xolé mom limu wax moy manam bu al qur'an waxe ñu gëm bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe ñu gëm bu fekke tamit ijma dafa am ci ben mbir tamit dañ koy gëm bu fekke ni nak lolu amul dañu jël waxi sahaba bi nga xamni mom moy correspondre ak qiyas ñu daal di koy jël kon batay mi wone ñoomi waxu sahaba yi tamit argument la legi buñu démé ci hanabila yi ñom dañu ni dédé ñom dañu né waxu sahaba du argument ndax xékat ñom dañuy joxé seen avis comme ñi nga xamné ñom non lañ ko mëne défé kon lool moy ñaarël point bi wa kon point bobu lu mata bayyi xel la keñ buñ ko jaawalé ak point wu ndax waxu sahaba manam sahaba sen gëdd sen importance sen maggay ak sen pass manam ak min leen wara yékité question bi du lool question bi moy su fekkentene ci ben question avis juridique parce que lo xamantene yalla manam lo xamantene acte sharia la sahaba sax amul mom acte sharia ken amu somu manam yalla rek la yonenti bi jeexna sallallahu alayhi wasallam ñom ñoy teeru sharia kenen bokku ci legui nak bu fekkati la sahaba yi radiyallahu anhu motax sahaba ab lu mu for ñemewul wax amul droit wax ci diine di lo xamantene ci xelum kesse la ko tek te amul ciosan bu mu delu wat ci diine dedet ñew ne rek gaay la yewen diine yalla bëgg nako wala yalla bëgguko yantibi sallallahu yalla téréwuko yalla wala yalla diglewuko yantibi diglewuko way man dina ko digle legi vu que man sahaba la dedet afam demewut non niki non amul droit def lo xamantene yow mi amul droit def sahaba lu mu for radiyallahu anhu amul droit def ben mbir bo xamantene yalla wala yantibi sallallahu alayhi wasallam tel nañ ko pare amul tronu droit di bayyi lo xamantene yalla ak yantibi sallallahu alayhi wasallam faratal nañ ko pare amul ko ñom ak yow yeena yam ci côté bob ñom fan lañ rawé moy ngeenel gi ñu am ci yalla boole len ak yantibi sallallahu alayhi wasallam fokk mom par contre ala kulli hal ñoo lañ ci raw fa amaluhum ma'ana kama qala shaykhuna kanay li qatatin aw dabib bin nabiyati cheikh na tidiane radiyallahu anhu dafa wax ne sahaba yi radiyallahu anhu ala kulli hal suñu jëf ak ñoom seen jëf bu ñuy comparer mi ngi melni ñun comme ay mbelentane man xorondom yo xamantene tank bi dafa am manam dafa dag wala mu am en tout cas gañu mu gañu ci ba pare muy dukk ñu mën ko comparer ak qatat manam moy am pitch la mo xamantene dafa gaaw lol mo xamantene manam nawam buy naw fi manam tay par exemple distance gatt danaka aduna bi mën nako wër presque ci ben jour ci 24 heures ndax gaway sahaba yi nak ak ñun non lañ mel ak kuñ mu doon nak lu way ri makama non la mel ak sahaba yentu bi sallallahu alayhi wasallam ndax lan té lolu amé wuñ ko loolu ben ngeenel kessé moy bëss jot na dal ñu bokk ak yentu bi sallallahu alayhi wasallam fiñ tok kessé du wax na ñom du def del bëss jotna yentibi sallallahu alayhi wasallam nek fuñ ne jeexna rom ne len ñi ne law wala yoy sax sahaba lañ nga am nañu gëna lool mënu ñoo yama kenn benen gëreel bi nga xamantene nak am nañ ko ci suñu kaw mom moy le fait que sahaba yi radiyallahu anhum ñom ñoo ñu toxalal diine ji c'est à dire que su fekk lu wona du won ñom kon ñun duñ jox ci diine ji ndax ñom ñoo dund ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam and ak mom gën ji and ba pare jappale ko gën di jappale taxaw xexando ak mom dajando ak mom mbollem choono yi te yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis nga choono yi ni daj parce que ñom ñoy gën ci nit ñi té kon ñom ñoy ëppalé nak nit ñi ñi ci ñi nga xamantene nak ño doon and ak ñom ci jamono yoy nga xamantene dafa metti won dafa taron té diiné ji soxla ko toxal ñu toxal ko ba indi ko ci yeneen génération yi ñoñu ala kul hal kenn mënu leen dab d'ailleurs lo def ci ru bax aw lu mu reuy dina nekk ci sen tu a bañum mam dañ ko ci dañ hein ko mam dañ leen koy bindal ci sen key ci sen registre ci sen compte yi lo meuna def la lu meun doon ak ku meuna doon lool mom motax ci kaw lool kenn munu leen dab kenn munu leen jegg bunt voilà masala bobu nonu bokul ak masala bi nga xamne mom lañ ne masala bi nga xamne mom la d'ailleurs sahaba radhiyallahu anhu bokku na ci comme li alquran wax li yaghizu bihim kuffar comme lim wax manam day waral ne manam ab yefe rek mo len di bañ mo len di contre comme li nga xamantene mom la yentou bi sallam wax ne ansari par exemple radhiyallahu anhu muna la yuhibbuhum la yuhibbul ansara illa mu'min wa la yabghaduhum illa munafiq ab ku gem yalla deug rek mo len di beug mais sinon nafiq rek len di bañ et cetera manam kon sahaba yi radiyallahu anhum ñom ya borom subhanahu wa ta'ala ngeenel yoy la leen defal ba lu aduna wër bo leen jëlé amul kenn ci ñom koy jël loolul ne mom mo gën ñi ci def ñepp so la leen boré sahaba yi radiyallahu anhum ñom dañoo nekk benn côté dañoo nekk ci benn gox dañoo nekk ci benn niveau ñi ci def ñepp nekk ci niveau bu gëna soufé ñom boole wuñ leen sax ci ñi ni calculer lool mo motax sahaba radhiyallahu anhu kenn du wax ne par exemple ndax diw waliyu la wala diw ban maqama la am nanga sahaba yi ñom kenn du leen boole ci maqama yo ci lool ndax la ndax maqama biñu am ñom sahaba yi radhiyallahu anhu ñom ñoo upp keneen ku dul ñom ci maqama ce qui fait que ñom doyna seuk ñu ne diw sahaba la rek ci wax moy kan ñam ci hadith tamit non la manam buñ nane diw ndax worna werna wer manam ndax hadith yi mu solo ndax manam lolou mom moy buntu lan lolou mu nane ndax manu nak lolou yeb kal recherche bobu yeb ak setlu setantal yoy yeb mi ngi am ke fu fekenteene ki ñi wax du sahaba buñ xese bani sahaba la rek jeexna moy mbiram yeb moy wor nañ han voilà wala kon sahaba ay radiyallahu anhum kon buntu bi nga xamne mom lañ nek kon bokut ak bobu non buntu bi ñu nek mom moy sahaba ay radiyallahu anhum est ce su fekente ne dañu am ben avis juridique buñu wax ne sharia nangam wax ci dara est ce lool non parce que en tant que mujtahid manam en tant que ki nga xamne day joxe son avis juridique koku non moma yenen imam yi legui dañuy set ndax sen avis yoy dafa dañ ko nangou wala duñ ko nangou lotax borom xam xam rahmatullah bo xolé hanabilah rahmatullah ñom ñu gis ne dedet sahaba mën na wax ne fekk khalat ak la wax ndax parce que lool tamit lu ñuy gis lu bari la motax dañuy gis ne benn wax day ñew ñom ñu wax lo xamne dafa wuté ak li yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax parce que tout simplement xamuñu won ne yenen tibbi wax nako sallallahu alayhi wasallam lolu mom motax yeneen borom xam xam yi rahmatullah alayhi biñu daganale waxu sahaba ñu mëna ko jëfëndiko mu nekk un avis juridique buñu mëna concert buñu mëna prendre en compte ñom dañ wax né lolu moy sous condition que mom wuté wul ak yeneen sahaba yi ba para benen sahaba waxul taxaw né ah ki lim wax du ni au moment où ko defuñu lool kon dañu mëna japp né xeyna wax yoyu non yépp ha au moment où ñom manu nañ manu go xamne duñ waxe seen xel kesse kon dañuy japp ne kon seen wax ji warna am fu mu teggu ci sharia warna deug en tout cas waxu sahaba radhiyallahu seen wax mom mu am manam ñu supposé ni deuguer na wër na jugi na ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam même bu fekkante na leralu ko lolu nonu ñu japp ko mom mo upp doole ñu japp waxu keneen ko dul mom ha mom mo upp doole wu lol mom motax bu meena bu sahaba yi wute dañuy tan seen bir wax radhiyallahu anhum comme ni borom xoxam yi di wute seen ginnaw ñuy tan ci seen bir wax wala bismillah kon fo li gëna deugar moy li malike yi hanafi yi ak shafi yi wax moy ni moy waxu sahaba yi mëna nek argument juridique benen point bu mujju mi xamni mom lañu gissone moy moy li nga xamne yalla def nako manam yombalal nañu ginnaw bima haramale ñu utiliser ndabal or wala khalis wala yéme nonu mu yom mu may ñu mu mën ko réparer ak khalis ko lool luy mengo xaway du fiqh mi xamne moy al masafatu tajlubu taysir manam xaka day yombal day ak yombal legui lool moy ñetti point yi nga xamne mo correspondre ak qawaidul usul yi alhamdulillah alhamdulillah legui moy ñu mën ci jàngé lénen ci walu haqiqa moy ni yalla ci bopam mom moy choisir jël li nga xamne moko neex mu daganal ko jël li nga xamne moko neex mu haramal ko gis nañ ni xam nañ ni or diamant par exemple mo gëna cher ëpp valeur or c'est taxul mu haramal ko comme récipient ci lool non tamit mën nañ ci jàngé ni moy yalla ci bopam dafa bëgg julit bi ci bopam mu am du am lenn lo xamne day nek ak poudre ci bir xolam comme ni nga xamne non la bañé poudre bi nga xamne mom lañ mëna utiliser ci or ci ay récipient ak yu demé non donc lool non moy li nga xamne dal moy résumé hadith bi lepp lo xamne dal djub na ci xamne serigne bi waxon li nga xamne djub ci moy man la wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa amna ben question bu ci djub bu ci desone mom moy manam moy ne hadith bi tamit day tektale comme serigne dara nga waxon ne hadith bi tamit day tektale ne manam sharia day bañ yaq parce que le fait que ndab li yaquna manam tejna odi yam ci sallallahu alayhi wasallam sanni ko mais moulan mu réparer ko tout de même manam mom moy luñu meuna réparer nañ ko réparer mais di gawa sanni ak di gawa nañ ko yobbu ci poubelle bi nañ ko waaw lolu xet gu yak la ba ci kaw lolu kon tamit alhamdullilah jeexna hadith bi tamit jeexna niki nonu buntu bi tamit wallahi alhamdullilah jeexal nañ ko allahumma bamu dess resume nga xamantene mom la ci seigne fallu wala def inshallah waaw te ci jotay bi ñu inshallah ñu war ko tambal inshallah waaw bu ko defé mu resume watal ñu buntu bi yep inshallah voilà wallahu ta'ala alama sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin